Moïse et Darwin. L'homme de la jeunesse comparé à l'homme singe, ou l'enseignement religieux opposé à l'enseignement athée, par le docteur Constantin James. Édition Blood et Barral 1882. Dieu crée la matière. Magnifique début de la Genèse, ce que signifient les mots, au commencement, Dieu créa, le ciel et la terre. Rien de magnifique et de grandiose dans sa simplicité comme le début de la Genèse. La supériorité du récit biblique est surtout frappante quand on le compare aux cosmogonies des autres peuples. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il était impossible d'exprimer plus de choses en moins de mots. Aussi a-t-on beaucoup discuté sur la valeur et la portée de chaque mot. Essayons d'en indiquer le sens véritable. Au commencement, ce mot, qui laisse le champ libre à toutes les hypothèses et à tous les calculs, pose d'emblée les premières assises du monde. Et, en effet, à dater de cette époque, il y eut un point de départ appelé « commencement », ce fut comme le premier anneau de la chaîne des temps. Auparavant, il n'y avait jamais eu de commencement, rien ni pour rien, car Dieu n'a pas eu de commencement, puisqu'il est éternel, et rien n'existait, avant le monde, que lui, mais, à partir de la création, tout commence. C'est donc bien là le commencement de tout, et l'expression de Moïse ne saurait être ni plus exacte ni plus précise. Dieu créa, on a beaucoup discuté sur le sens du mot hébreu bara, qu'on a traduit par le mot latin creavit. Veut-il dire réellement que Dieu fit de rien quelque chose? Nul doute que telle soit la signification vraie du mot bara. C'est ainsi du reste qu'il a toujours été entendu dans la tradition juive, connu on le voit par ce passage du second livre des Maccabées, 7:28. Je vous conjure, ô mon fils, de regarder le ciel et la terre et toutes les choses qui y sont renfermées, et de bien comprendre que Dieu les a fait de rien. Le ciel et la terre, il ne s'agit pas seulement ici du ciel et de la terre, tels que nous les voyons actuellement. Il s'agit de la matière cosmique elle-même, c'est-à-dire de ces éléments multiples et confus qui devaient servir à la former, comme ils devaient former également toutes les sphères visibles et invisibles, les soleils, les nébuleuses, les mondes, que sais-je. Enfin, tous les atomes pondérables ou impondérables qui constituent l'univers. Inutile donc d'insister sur le sens de ce premier verset de la Genèse, dont ceux qui suivent ne sont que le développement. Le chaos. Incandescence du globe. Ce qu'était la Terre, chaos tohu bohu, l'univers à l'état de fournaise, sa température, celle du soleil. Moïse devance la science, l'analyse spectrale, la Terre, fragment détaché du soleil. Voici la matière créée. Dans quel état le fut-elle? Laissons encore parler Moïse. La Terre, dit-il, était informe et toute nue, les ténèbres couvraient la face de l'abîme. Telle est la saisissante image de cet état primitif du globe qu'Ovide appelle le chaos, et que Moïse désigne par l'expression plus énergique encore de tohu bohu. C'est qu'en effet la géologie prouve qu'aux premiers âges du monde l'atmosphère représentait un pêle-mêle inextricable d'éléments en pleine incandescence. Je viens de prononcer le mot d'incandescence, c'est qu'il semble démontrer, d'après les travaux des astronomes modernes, que l'univers tout entier, à l'origine des temps, n'était autre qu'une immense fournaise où aucun corps ne pouvait exister à l'état solide. Essayons de nous faire une idée de ce que pouvait être alors la température de l'atmosphère. Il va nous suffire pour cela de prendre au hasard quelques métaux et de noter la somme de calories qu'ils nécessitent pour entrer en fusion. Le plomb exige 535 degrés, le zinc, 450, l'argent, 1000, le cuivre, 1100, le fer, 1500, enfin le platine, 2000 degrés. Voilà sans doute des chiffres effrayants. Or, nous ne parlons ici que de la chaleur nécessaire pour liquéfier ces métaux. Que serait-ce, si nous voulions les faire passer à l'état gazeux, que l'on suppose avoir été leur état primitif, c'est à donner le vertige. Ainsi, par exemple, le père Angelo Secchi a calculé que la température du soleil devait être de 10 millions de degrés, c'est-à-dire 5000 fois plus élevée que celle du platine, qui est la plus haute que nous puissions produire par la combustion. Telle devait être également la température de la Terre à l'époque du chaos, la Terre et le soleil faisant alors partie de la même masse. Une chose ne me paraît pas avoir été suffisamment remarquée, c'est que Moïse, en annonçant le premier que ces deux corps ont eu une origine commune, a devancé la science de 4000 ans. C'est en effet de nos jours seulement que la découverte de l'admirable procédé dit « analyse spectrale » est venue donner à sa parole la sanction expérimentale. Comme ce procédé est encore peu connu, je crois devoir en dire ici quelques mots. Il repose sur cette particularité que, quand on fait passer un rayon lumineux à travers un prisme, sa lumière blanche se décompose en divers rayons colorés, rappelant l'arc-en-ciel, et qui sont superposés dans un ordre constant. Lors donc que le rayon de lumière est envoyé par un corps métallique en ignition, le métal incandescent manifeste sa présence par des raies brillantes transversales dans l'échelle colorée, raies toujours situées pour le même métal au même point de cette échelle, mais variables pour chaque métal. Par conséquent, l'inspection des raies suffit pour décider la nature du métal dont il s'agit. C'est en se basant sur ces faits, signalés par Kirchhoff, qu'on a pu reconnaître dans le soleil la présence de métaux vaporisés semblables à ceux qui constituent l'agrégat solide de notre planète. D'où on a conclu que notre planète et le soleil émanaient originairement d'un même foyer embrasé. La Terre ne serait donc qu'un fragment détaché du soleil. Markendanarchive.org, 2022, d'après Gallica BNFFR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.